Oh bien la case, mon maman, mangez bon, moi si c'est zo. Dis mal maillé, pour maman la misère. Jamais la mal la misère, pas la faute grand-sœur. Gambo la clé, maman, la maman la mère.